premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la proximité de plus en plus grande que nous pouvons ressentir vis-à-vis d'une période que nous avions pourtant toujours considérée comme la plus lointaine de notre période à nous, la préhistoire. Demain, nous reviendrons dans notre émission d'archives sur la figure d'un très grand préhistorien français, le roi Gourand. Mercredi, notre émission s'intéressera à la description littéraire de la préhistoire et des images qu'elles ont forgées, ces romans et également tous ces écrits sur la préhistoire à partir de l'exemple d'un livre de Vercors, un peu méconnu, Les animaux dénaturés. Jeudi, nous vous emmènerons, grâce au documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Flory, dans la grotte où fut découverte en Afrique du Sud Little Foot, le plus ancien complet squelette d'Australopithèque, qui date de -3,6 millions d'années. Et aujourd'hui, grâce à Stéphanie Thiébaud, qui est archéobotaniste, qui dirige l'Institut écologie environnement du CNRS, nous allons nous demander ce que signifient encore les classifications traditionnelles entre hommes modernes et hommes prémodernes, telles que nous les avons apprises dans notre jeunesse à l'école. Le thème de cette émission et de cette série d'émissions concerne cette préhistoire qui serait beaucoup plus proche que nous le pensons d'aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Thiébaud. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous l'avez ressenti ardemment, pourrait-on dire, vendredi et surtout samedi, puisque vous avez choisi un bon endroit pour pouvoir tenir un grand colloque sur la question de l'homme moderne. Peut-on parler de modernité quand on parle de préhistoire? C'était le musée de l'homme sur la place du Trocadéro. Absolument. Et donc, vous avez ressenti effectivement les tressaillements de la société contemporaine qui venaient lécher, comme les flammes pouvaient lécher certaines façades de ce quartier du Trocadéro. Donc, lécher la façade du musée de l'homme, vous avez été obligé d'interrompre vos travaux. Voilà, nous avons été évacués sur ordre de la préfecture de police pendant la conférence de Jean-Claude Amezen, que je tiens à remercier, et voilà. Voilà, donc malheureusement cette manifestation scientifique n'a pas pu aller jusqu'à son terme à cause des manifestations des Gilets jaunes dans Paris, mais vous avez tout de même pu tenir la plus grande partie de cette manifestation. Quel était l'intérêt justement de se réunir entre spécialistes de la préhistoire pour réfléchir à la question de la modernité, Stéphanie Thiébaud? Eh bien justement, ça tombait très bien, puisque avec Nicolas Tessandier, qui est mon binôme, qui est chargé de recherche au CNRS à Toulouse, nous souhaitions re-questionner ce que c'est qu'aujourd'hui que la modernité, et la modernité en préhistoire, c'est-à-dire de l'universalité, de la singularité de l'humain. Et là-dessus, pendant deux jours, avec les meilleurs spécialistes internationaux, des philosophes, des historiens, des culturalistes, des généticiens, nous avons trituré et posé tous ensemble cette question: qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce que la modernité en préhistoire? À savoir, quand est-ce qu'arrive l'homme moderne? Qu'est-ce que l'homme moderne, notamment par rapport à l'homme de Néandertal? Et ça se situe au musée de l'homme, puisque c'était l'endroit où il fallait le faire, puisqu'on fête l'anniversaire de la découverte de l'homme de Cro-Magnon d'une part, et qui a cette magnifique exposition sur Néandertal en ce moment au musée de l'homme. Alors justement, on a l'impression que cette préhistoire, telle que je l'ai dit en ouverture de cette émission, que nous avons apprise à l'école, il y a pour ma part 40 ou 50 ans, lorsque j'étais tout jeune garçon et tout jeune collégien, cette préhistoire a beaucoup été transformée, été chamboulée, pourrait-on dire, même par rapport à ce que l'on croyait savoir à cette époque-là. Qu'est-ce qui a changé dans ces 4 ou 5 dernières décennies qui, d'une certaine façon, nous rend la préhistoire plus proche qu'elle ne l'était à ce moment-là? Alors, c'est même pas dans ces 4 ou 5 dernières décennies, c'est ça. Dans cette dernière décennie, moi-même, lorsque j'étais jeune enseignante à l'université, j'apprenais aux étudiants, et je les salue ici, parce que maintenant, eux-mêmes sont enseignants, que Néandertal et Sapiens, Homo sapiens sapiens, c'était deux espèces totalement différentes. L'une qui avait disparu, on ne sait pas pourquoi, sans doute pour une maladaptation à l'environnement, ou peut-être que Homo sapiens, qui était plus rusé que lui, lui, puisqu'on était dans ce qu'on appelle le paléolithique supérieur à l'époque, l'avait fait disparaître. Et puis la génétique. La génétique nous a appris assez récemment, dans les années... dans les années 2010, vraiment... Oui, donc vraiment très récemment. Très récemment, qu'il n'en était rien, que non seulement ce n'était pas du tout une espèce différente, que anatomiquement il y a des différences, mais que petit à petit, toutes les découvertes que nous faisons depuis une dizaine d'années nous montrent que la modernité physique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Néandertal, manifestement, était extrêmement bien adapté à son environnement. Mmh. Que les ancêtres de Sapiens commencent à apparaître il y a plus de 80 000 ans en Afrique du Sud. Et donc, en fait, il vient cette Sapiens dit archaïque à l'époque est remontée. C'est une grande migration, une grande conquête des territoires, sort d'Afrique et effectivement rencontre Homo sapiens, l'homme de Néandertal en Europe. Et écoutez, qu'il s'apparie, ils se rencontrent, ils font des enfants. Oui, et que, ce qui est quand même une très grande nouveauté, effectivement, par rapport à ce qu'on croyait savoir auparavant. Et que chacun d'entre nous, en Europe, nous avons entre 2 et 4% de gènes néandertaliens. Et puis alors, pour complexifier tout ça, arrive l'homme de Denisova, voilà. L'homme de Flores, qui est beaucoup plus lointain, alors, du côté de l'Indonésie, apparaît lui aussi, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et effectivement, disons, ces arbres qui apparaissaient comme étant extrêmement bien construits, d'arbres généalogiques... avec une logique absolue montant justement à la classification des espèces au 19e siècle, eh bien, se complexifie. Il y a des branches qui se rejoignent alors qu'elles étaient totalement séparées. Et ça, ça change beaucoup de choses, Stéphanie Thiébaud. Absolument, surtout que là, la dernière découverte, qui est vraiment une chance extraordinaire sur l'homme de Denisova, puisqu'on a retrouvé un petit bout de phalange qu'on a pu, parce que grâce au progrès de la paléogénétique, qu'on a pu séquencer et aussi surprise, on a vu que l'homme de Denisova s'était mélangé aussi avec Néandertal et que tout ce monde-là avait été, avait conquis, si je puis dire, ou avait occupé, ou avait été à la conquête de l'Est, puisqu'on en retrouve, alors aujourd'hui, le Graal pour les préhistoriens, c'est tout ce qui se passe en Asie. Parce qu'on est en train de plus ça va et plus on découvre justement de nouveaux fossiles, de nouvelles conquêtes, etc., etc., jusque vers le Samoa et autres. Et on voit comme ça cette humanité qu'on croyait, comme vous le disiez juste à l'instant, très bien classifiée avec Sapiens qui arrivait, qui pas du tout. Tout le monde s'est mélangé, s'est baladé, et c'est ça qui est absolument exceptionnel dans la préhistoire avec les nouvelles découvertes, c'est de voir cette mobilité. Et ces rencontres et de voir comment, d'où on vient et comment ça se passe. Alors, ça, qu'est-ce qu'on appelle d'être moderne ? Justement, ça, c'est là où toute la question se repose, puisque est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est symbolique ? Est-ce que c'est culturel ? Qu'est-ce que la modernité ? Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'on sait très bien que les Néandertaliens enterraient leurs morts, qu'ils avaient des rituels, qu'ils créaient même dans certaines des grottes comme Bruniquel, dont on a retrouvé des traces, et ils créaient des sanctuaires. En tout cas, ils organisaient quelque chose à partir des stalactites ou stalagmites, je ne sais plus, de cette grotte de Bruniquel qui se situe dans le Tarn-et-Garonne. Ils organisaient quelque chose qui pouvait sembler un rituel. En tous les cas, ils n'étaient pas si séparés que cela, y compris mentalement, y compris culturellement, de ce que pouvaient faire les sapiens de la même époque. Alors, non seulement Bruniquel nous montre qu'il savait installer des rituels, et comme vous le dites, mais en plus de ça, qu'il fréquentait l'intérieur des grottes, ce qu'on ne savait pas avant. C'est-à-dire qu'il allait profondément dans les grottes. Ça veut dire que quand on va profondément dans une grotte, c'est qu'on maîtrise tout à fait l'éclairage le feu. Enfin, ça, on le savait depuis déjà quelques temps. Mais surtout l'éclairage, et surtout qu'ils allaient dans les grottes qu'on ignorait jusqu'à présent. Et puis maintenant, on vient de découvrir que dans certains endroits, il y a des tracés de Néandertal qui seraient attribués à Néandertal. Pas de figuratif encore. Mais tout de même, cela veut dire que votre discipline est obligée de se remettre en cause très fréquemment, c'est-à-dire que la rapidité des découvertes qui est due à la paléogénomique, qui est due effectivement à tout un tas de nouveaux moyens d'analyse, la question des pollens, vous êtes vous-même spécialiste d'anthracologie, c'est-à-dire de tout ce qui est les bois brûlés, pourrait-on dire, qui permet de savoir quel est l'environnement de chacun des foyers que l'on a trouvé, eh bien tout cela fait que toutes les semaines ou toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, on a des nouveautés qui viennent bouleverser un tout petit peu ou beaucoup plus la connaissance que l'on croyait savoir avoir de cette période, de ces périodes. Je dirais que pour la préhistoire, deux choses effectivement. S'il y a une discipline en plein essor et dynamique. Parce que effectivement, chaque semaine, on en apprend de nouvelles choses, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce livre. C'est bien la préhistoire, parce que grâce aussi aux méthodes scientifiques qui se développent, c'est absolument fascinant d'une part, et puis aussi l'intérêt que nous avons aujourd'hui de ce re-questionnement, c'est-à-dire de mise en perspective avec ce qui se passe, qu'on voit aujourd'hui, avec tous ces questionnements, ces réflexions, et notamment avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'homme est de plus en plus mal adapté à son environnement, ou est-ce parce qu'on l'a façonné, etc. Donc se repose tout un tas de questions, et le questionnement de la préhistoire avec les anthropologues est d'autant plus important en fait. Troisième mouvement de la suite pastorale d'Emmanuel Chabrier, qui s'intitule « Sous-bois » par l'Orchestre des siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Donc, Emmanuel Chabrier qui, évidemment, s'inspire de ces questions de nature dont vous parliez à l'instant même. Stéphanie Thiébaud, vous êtes notre invitée, notre grande invitée d'ouverture de cette semaine consacrée à la préhistoire. Vous êtes la co-auteure avec Nicolas Tessandier et bien d'autres auteurs aux éditions du CNRS et du Cherche Midi de « Préhistoire au pluriel », conquête des territoires. On va revenir sur ce livre tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois semaines, celui qui vient d'être élu il y a tout juste une semaine professeur au Collège de France, cette élection doit être validée par le président de la République, elle ne manquera pas de l'être, François-Xavier Fauvel était avec nous à ce même micro, à votre place. Il vient d'être élu à la chaire Histoire et Archéologie des mondes africains. C'est la première fois qu'il y a une chaire comme celle-ci au Collège de France, et nous le félicitons pour cela. Il nous disait, en fait, il faut faire très attention à cette idée qu'on a toujours assigné à l'Afrique le soin d'être le berceau de l'humanité. Et même cela, d'une certaine façon, est en discussion, puisque ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphanie Thiébaud, de ses recherches sur l'espace asiatique, peuvent cela peut nous réserver quelques surprises, en l'occurrence parfois, c'est-à-dire cette idée qu'on avait cantonné l'Afrique à être le berceau de toute l'humanité à partir de migrations qui auraient des sorties d'Afrique qui auraient été très nombreuses vers l'Europe, vers le continent asiatique, etc., eh bien peut même être remis en discussion. Ça n'est pas encore le cas pour l'instant, mais ça pourrait l'être. Alors, c'est pas encore le cas pour l'instant, mais tout à l'heure, vous avez évoqué l'homme de Flores. Et l'homme de Flores, effectivement, dans l'arbre, il est pour l'instant totalement à part. Donc, on ne sait pas encore très bien comment il peut se relier à ces autres homininés qui sont à l'origine de notre humanité. Dans ce livre Préhistoire, avec Nicolas Tessandier, vous insistez beaucoup sur le sous-titre « La conquête des territoires » et sur cette idée qu'il y a dans la migration, et c'est une idée aussi très nouvelle, beaucoup défendue aujourd'hui, grâce en particulier à un grand colloque qui s'est tenu il y a 3 ans sous l'égide de l'INRAP qui s'appelait « Archéologie des migrations », cette idée que l'homme a été constamment mobile et que c'est cette mobilité qui a permis à cette humanité d'être aussi variée, mais aussi reliée entre elles. Tout à fait. Alors justement, ce livre se veut non pas une approche chronologique habituelle sur la préhistoire, mais bien de voir au fil des chapitres comment l'humanité a conquis ces divers territoires. Les territoires, quels sont-ils? Ça peut être la profondeur des grottes, mais aussi à un certain moment la steppe. La steppe où effectivement au paléolithique et plus tard qui a rassemblé énormément de qualités pour pouvoir faire vivre les hommes, et puis après la montagne, c'est-à-dire que on voit très bien qu'à partir du moment où les glaces se retirent, ou du moins en Europe, à la fin de la dernière glaciation, à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène, les montagnes, tout de suite, les hommes vont à la conquête des montagnes avec une nouvelle économie. De la même façon, les îles du Pacifique, les îles de Méditerranée. Donc on voit très bien que les hommes, de toute façon, ont toujours souhaité conquérir leurs espaces. Et ça, c'est très intéressant. On trouve aussi un écho avec ce qui s'est passé lundi dernier, avec le lancement d'Insight, puisque aujourd'hui, le prochain territoire à conquérir, c'est Mars. Mmh. Et ça, c'est clairement, on a eu la Lune, maintenant c'est Mars. Donc cette soif, cette volonté, je dirais darwinienne, de conquête des territoires est quelque chose de fascinant et qui est très en écho avec ce que nous avons voulu faire dans ce livre. Et puis d'autre part, c'est vraiment l'heure des retours des identités, alors qu'on assiste aussi à des grandes migrations. Je veux dire, nous avons été extrêmement impressionnés par ce qui s'est passé en 2015, extrêmement impressionnés par ce qu'il se passe aujourd'hui, par exemple en Amérique centrale, où on voit des centaines de milliers de personnes qui migrent. C'est-à-dire, ce sont de grandes vagues de migration, comme nous, on se l'imaginait quelque part aussi possible dans des temps beaucoup plus anciens, il y a 10 millénaires. Donc, il y a tout un écho là-dessus qui nous a semblé intéressant de voir comment ça s'était passé et autres. Alors, c'est d'ailleurs une des grandes questions qui est posée par le livre que beaucoup de gens ont lu, puisqu'il est toujours, je crois, depuis 175 semaines dans la liste des livres qui se vendent le mieux, à savoir le livre de Harari sur Sapiens. Il dit, en fait, qui est un livre de vulgarisation, il est historien, mais il vulgarise sur cette vision de la conquête de la Terre par Sapiens. Il dit, en fait, là où Sapiens pose le pied, des espèces disparaissent tout de suite. C'est-à-dire que il arrive, il conquiert le territoire, c'est une vraie conquête, dit-il. On passe sur une île et puis on voit très rapidement disparaître telle ou telle espèce. Est-ce que cela s'est avéré par la recherche? C'est-à-dire, est-ce que le plus grand des prédateurs, ça serait justement Sapiens, au point qu'il a d'ailleurs éliminé tous les autres homos vivant sur cette planète, au bout du compte, que la question que vous posiez tout à l'heure de savoir pourquoi Néandertal avait disparu, est-ce qu'il n'a pas disparu tout simplement parce qu'il aurait été éliminé par Sapiens soi-même, même après avoir eu des années de cohabitation? Alors, bon, la disparition de Néandertal, maintenant, on en est moins sûr, parce que malgré tout, ils se sont reproduits entre eux, et puis il y a d'autres questions, du coup, maintenant, qui se posent. Donc, être aussi catégorique, non, parce que, effectivement, il y a eu des espèces... Le point central, c'est la révolution néolithique. Donc à partir de moins 14 000, c'est ça ? 14 000 dans le sud de la Turquie actuelle, d'Anatolie, etc. Après, avec des diffusions. Mais pourquoi ? Donc la sédentarisation. Sédentarisation, domestication. D'abord agriculture, oui. D'abord, et ensuite domestication des animaux. Donc ça, c'est un vrai problème. Pourquoi est-ce que on avait des gens qui vivaient de chasse et de cueillette, des clans de chasseurs-cueilleurs, hein, qui se voyaient entre eux, hein. On voit aussi, par exemple, dans le chapitre sur les littoraux, les gens qui habitent sur les littoraux, ils chassent le phoque, le cachalot, ils récupèrent les dents qu'on retrouve à des centaines ou des milliers de kilomètres de là. C'est-à-dire que on a des réseaux d'échanges. Il y a du commerce ou de l'échange, en tous les cas. On a des réseaux d'échanges extrêmement importants. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment, les gens commencent à faire de l'agriculture, commencent à se sédentariser, commencent à élever des animaux, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une économie fondée sur la prédation relativement économe en temps de travail. Hein, voire écologique en tous les cas. Voire écologique, puisqu'on vit dans son milieu. Il n'y a pas de pression sur le milieu. À une économie fondée sur la production, c'est-à-dire qu'on utilise le milieu. Et l'exploitation des ressources. Et l'exploitation des ressources. Alors, il y a un moment où la biodiversité, elle est à son maximum, parce que on produit une nouvelle biodiversité, et celle qui existe n'a pas encore totalement disparu. Vous voulez dire, quand on produit une nouvelle biodiversité, c'est quand on croise des plantes entre elles, ou quand on croise des animaux entre eux. À partir du moment où on fait de la domestication, on va inventer de nouvelles espèces, Absolument, et les anciennes continuent à exister. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. En revanche, effectivement, pourquoi est-ce qu'on est devenu agriculteur alors que, parce que l'agriculture, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est pas sûr du tout parce que il pleut, il gèle, il n'y a pas d'eau, enfin, on voit bien que les aléas climatiques. Et donc, cette appropriation de l'environnement est vraiment une espèce de mystère pour nous, hein. Un mystère que Harari, pour revenir sur lui, dans son livre Sapiens, critique en disant, tout compte fait, on était sûrement plus heureux en tant qu'être migrant, nomade, avec une prédation moyenne sur l'environnement qui était le nôtre, que à partir du moment où on s'est mis sur le dos, effectivement, cette idée de construire des cités, construire des villes, même si par ailleurs, effectivement, il y a beaucoup d'avantages liés à cette nouvelle culture. Vous vous posez la question, Stéphanie Thiébaud, de savoir si tout compte fait, c'est 10 000 ans en gros, un peu plus de 10 000 ans de sédentarisation, ont un impact sur nous aujourd'hui. C'est une des questions que vous posez. Oui, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes en train d'émerger de 10 000 ans de sédentarisation. Je veux dire, l'agriculture disparaît, en tous les cas, dans notre pays, depuis les années 60. Hein. Les gilets jaunes qui nous écoutent et qui sont agriculteurs ne vont pas être contents que vous disiez ça. Mais il y avait 20 millions d'agriculteurs dans les années 60. Ils sont très peu maintenant, mais on peut le déplorer. Voilà. Donc, c'est quand même... Et donc, cette sédentarisation... Et je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui parce qu'on est dans un monde globalisé où tout le monde bouge finalement. Les migrants, les riches. Les riches. Les classes supérieures, hein, elles partent, on prend l'avion comme d'autres prendraient le métro. Et puis il y a ceux qui ne bougent pas. Hier soir, j'ai regardé, il y avait un vieux documentaire qui passait sur la chaîne, où on voyait une dame dans les années 90 qui avait été son plus grand voyage, c'était d'être allée à Épernay pendant la guerre de 14, qui était à moins de 50 kilomètres de chez elle. Donc on est vraiment dans un monde en total changement qui fait vraiment écho à ce monde qu'on a connu de néolithique, qui pour nous est très proche. Hein, l'agriculture sur les 10 000 ans a beaucoup évolué, certes, mais l'agriculture traditionnelle, elle n'est pas si éloignée que ça. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment un continuum tout à fait passionnant. En fait. Et vous qui travaillez justement sur les milieux dans lesquels les hommes ont évolué, puisque votre spécialité, je l'ai dit, c'est d'être archéobotaniste, spécialiste de l'anthracologie, c'est donc des restes de charbon de bois. Qu'est-ce que vous avez découvert dans vos propres recherches qui vous permettent de réfléchir justement à cette pression environnementale de l'homme sur son environnement dans les périodes que vous avez étudiées, Stéphanie Thiébaud? Mais je vais prendre un exemple qui parlera peut-être plus davantage aux gens du sud, du Midi, c'est-à-dire que, par exemple, la garrigue ou le maquis, ce sont des constructions humaines. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire la végétation, entre guillemets, naturelle, sous influence purement climatique, c'est la chênaie pubescente, par exemple. Mmh. Et à partir du moment où l'homme arrive, il y a 7 millénaires avec ses moutons et son blé, il y a une appropriation. Il y a déjà des défrichages. On défriche, on plante, on utilise la terre qui, on est en climat méditerranéen malgré tout, donc on va à côté parce qu'au bout de quelques années, il se passe plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? La reconquête forestière n'est plus celle au départ des grands chênes, mais de la garrigue, c'est-à-dire avec au début du buis, du genévrier, puis du chêne vert, puis du pin d'Alep, etc., avec un cycle que l'on connaît bien. Et donc, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que c'est entretenu aussi par les moutons, puisque c'est surtout une économie fondée sur l'élevage du mouton et des brebis. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est effectivement dans les lieux où cette garrigue n'est plus entretenue, entre guillemets, les chênes réapparaissent et on revient finalement à une origine, à une forêt dite climatique. Sauf que la ville s'étend et donc cela arrive assez peu. Alors, ce qui est très intéressant dans cette vision-là, c'est que, évidemment, vous nous dites, et c'est ce que beaucoup de préhistoriens ou d'historiens de cette période-là nous disent, que ces paysages sont des paysages construits. Oui. C'est-à-dire que là où on pense qu'il y a une sorte de nature naturante, eh bien, l'homme ou les femmes ont toujours été à la manœuvre et que ce sont eux et elles qui ont fait le paysage que nous avons sous les yeux, pensant qu'il est éternel ce paysage. Vous nous dites non, il n'est pas éternel, il date au maximum de ces 10 000 années des révolutions néolithiques. Auparavant, ça n'était pas cela. Absolument, vous avez totalement raison. Le paysage est un fait que nous qualifions anthropique, c'est-à-dire humain. Et les dernières, à tel point que les dernières découvertes en Amazonie, par exemple, en Guyane française, ont montré que là aussi, la forêt amazonienne qu'on croyait encore une forêt primaire, que nenni, c'est aussi là, on voit bien qu'il y a des constructions, c'est une construction humaine avec des, on a favorisé certaines espèces au cours des millénaires. France Culture. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une composition sonore de Bob Verschuren, le catalogue de plantes où il y a à la fois des travaux sur le bruit du chêne, le bruit du hêtre, de l'if ou de la rocaria, ainsi que du séquoia, toutes ces plantes que vous connaissez bien, Stéphanie Thiébaud, pour y avoir travaillé vous-même. Vous nous parlez de préhistoire. Dans ce colloque qui s'est tenu donc au Musée de l'Homme vendredi et samedi dernier, interrompu par la manifestation des Gilets jaunes, vous avez réfléchi avec beaucoup d'autres, sur la question de la génétique humaine. On sait très bien qu'il y a parfois, entre les historiens et les historiennes, mais aussi les spécialistes de sciences dures, à la fois une collaboration nécessaire, mais aussi parfois des tensions sur les interprétations. Voilà donc des tensions qui peuvent apparaître quand des généticiens vous disent « ben voilà, il est assuré que telle migration a existé parce que si on travaille sur la génétique des populations, eh bien telle personne ou tel groupe de personnes est parti de tel endroit à telle période pour arriver à tel endroit à telle autre période ». Ça peut être un plus pour la connaissance de ce passé, mais quelquefois ça peut frotter parfois avec les historiens ou les historiennes, Stéphanie Thiébaud. Oui, tout à fait. Nous avons eu la chance, pendant le colloque, d'avoir deux personnalités qui étaient d'une part Johannes Kroos de l'Université de Tübingen et Chris Stringer du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Et Johannes Kroos nous a brossé justement une histoire de l'Europe à partir des données génétiques sur la façon, sur l'immigration ou l'adaptation en préhistoire. Hein. Et c'était totalement fascinant parce que on voit les courants, les différents. Alors, il faut savoir qu'aussi l'ADN, hein, il y a 10 ans, l'ADN, pour avoir un résultat, il fallait beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Aujourd'hui, on fait ça en séquence à toute vitesse. Et en plus, les progrès de la génétique et de la paléogénétique permettent de, aussi de travailler sur de micro-fragments d'ADN, des restes fossiles. Donc une masse d'informations que maintenant il s'agit de traiter, c'est-à-dire qu'on voit bien les populations, comment... Alors lui propose des cartographies de population avec des populations plutôt de l'Italie. On voit qu'il y a vraiment, par exemple, que les Basques, qui sont traditionnellement compris comme étant effectivement souvent proposés aussi avec leur langue comme étant... quelque part les survivants des mésolithiques, c'est-à-dire les plus anciennes populations sans avoir été tellement mélangées au cours des millénaires. On voit aussi que vers 4800 avant notre ère, il y a une énorme vague de migration de l'Est vers l'Ouest qui s'arrête à peu près au niveau de l'Allemagne et tout ça, ça nous questionne parce que, alors, dans le milieu, on voit bien qu'il se passe quelque chose. On voit bien que culturellement, par exemple, à ce moment-là, il y a une nouvelle culture qui s'appelle le campaniforme, qui apparaît en Europe, qu'on comprend pas bien non plus. Donc, on essaye, comme disait Hugues Plissot pendant ce colloque, ça donne un petit peu le vertige et les culturalistes avec nos peaux et nos silex, c'est parce que les peaux ont une forme de cloche, effectivement. Voilà, et on court derrière, quoi. Oui, et donc ça fait une sorte de concurrence, saine concurrence ou saine émulation, comme on dit généralement dans les milieux de la recherche, comme dans ceux du sport, une saine émulation entre vous. Mais effectivement, les scientifiques de sciences dures qui utilisent ces séquençages de l'ADN, par exemple, viennent d'un seul coup de prendre une très grande longueur d'avance. Et on sait très bien, par ailleurs, que des disciplines très assurées de la connaissance de l'homme qui pouvaient apparaître comme extrêmement scientifiques à la fin du 19e ou au début du 20e siècle ont été battues en brèche parce qu'elles étaient, elles aussi, sans le savoir, parfois culturalistes. Elles transportaient des modèles culturels qui étaient en arrière-fond de leur propre recherche. Donc, on voit bien qu'il y a là un frottage très intéressant, Stéphanie Thiébaud. Et en plus de ça, ça ne s'arrête pas là parce que la génétique nous donne aussi des informations sur les états sanitaires. Et on commence, justement, Johannes Kroes nous a parlé d'une vague d'épidémie de peste à un certain moment aussi. Donc, aussi des choses qui peuvent montrer pourquoi il y a ces vagues de migration ou être à l'origine. Enfin, il y a vraiment des champs qui sont en train de s'ouvrir, qui sont totalement exceptionnels. Et je pense que pour les gens qui sont intéressés par toutes ces questions, le colloque a été filmé. Donc, vous allez très rapidement vous mettre en ligne. Voilà, exactement, parce que c'est fascinant. Voilà, il y a ce qu'on appelle, vous l'avez évoqué sans dire son nom, l'épigénétique, effectivement. Oui. Donc, cette idée que les caractères traumatiques, par exemple, ou environnementaux peuvent se transmettre par les gènes. C'est-à-dire que ces gènes ne sont pas fixes en permanence et que d'une génération aux générations suivantes, eh bien, ils peuvent se transmettre, ce qui est une grande nouveauté, y compris pour ceux qui travaillent sur les traumatismes du XXe siècle, puisqu'on porterait en soi, parfois, sans même le savoir, les traces de grands traumatismes, soit culturels, soit personnels. Donc, qui nous sont légués, effectivement. Qui nous sont légués par les gènes. Ouais, absolument. Oui, c'est ça, c'est les nouvelles découvertes. Alors, on ne sait pas bien encore comment ça marche. On sait que c'est plus ou moins réversible, mais c'est très explicatif. Et c'est une nouvelle archéologie, je dirais, avec l'épigénétique des environnements et des relations entre les hommes depuis la préhistoire, depuis l'aube de l'humanité. Alors, cette remise en cause de la notion de modernité, d'homme moderne dont vous êtes porteuse avec d'autres, Stéphanie Thiébaud, en se posant la question de savoir si cette catégorie d'homme moderne est encore valide, pourquoi arrive-t-elle maintenant et qu'est-ce qui, d'une certaine façon, justifie que l'on change de pied en considérant que l'Homo sapiens, certes, est peut-être un homme moderne, mais qu'il y en avait peut-être d'autres en même temps, d'autres juste avant, et que cette notion de modernité est une notion difficile à manier, même si elle est nécessaire pour la recherche. Et ben ça, c'est vraiment comment répondre actuellement à la question qui est toujours la même, qui sommes-nous ? Et c'est de moins en moins simple d'y répondre, justement. Et puis les découvertes, de savoir que nous avons 2 à 4 % de gènes néandertaliens, ça ne s'est pas fait tout seul quand même. Parce que Je pense que d'ailleurs l'exposition du Musée de l'Homme le montre bien. Notre vision de Néandertal, c'était quand même une espèce de brute épaisse et pas du tout. Qui savait d'abord cogner et puis ensuite discuter. Voilà. Je suis même pas sûr qu'on le voyait discuter après. Ouais, donc, c'est ça. Donc c'est alors que c'est pas vrai du tout. C'est un être totalement adapté à son environnement, ce que nous sommes plus forcément. Et donc il a fallu se reposer la question de savoir mais qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres avec nos prédécesseurs? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un homme moderne? Et qu'est-ce que c'est que la modernité? Est-ce que c'est par exemple l'adaptation à l'environnement? C'est une possibilité. Mmh. Est-ce que c'est l'idée du symbolisme? Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Néandertal, on sait qu'il enterre ses morts, donc il a une vision de l'au-delà. Il enterre ses morts avec des cérémonies, en plus. Mmh. Maintenant, on croit savoir qu'il est capable aussi de symboliques plus fortes en faisant un peu du dessin. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Oui, mais tout de même, il y avait des classifications que vous reproduisiez, d'ailleurs, dans le livre que vous avez coordonné avec Nicolas Tessandier, qui disait, l'anatomie moderne, c'est le menton bien individualisé, les reliefs suborbitaires qui sont divisés, et ça, c'est différent du néandertalien, ou c'est différent du dénisovien. Donc, on se dit, il y a quand même un sapiens qui est un peu différent des autres, mais... Même cela, d'une certaine façon, cette anatomie moderne ne suffit pas à tout justifier et à justifier surtout des différences qui permettraient de classer les uns dans les prémodernes et les autres dans les modernes, Stéphanie Thibault. Non, tout à fait. Et là-dessus, la philosophie, justement, je cite François Flahaut qui était présent, se pose cette question, qu'est-ce que c'est que la modernité aujourd'hui? Et donc, il propose certaines pistes, parce que, effectivement, comme piste... Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, finalement? Est-ce que c'est pas être... C'est un être social, c'est-à-dire que c'est travailler en groupe. C'est savoir échanger. Ça veut dire aussi des règles de sociabilité, c'est-à-dire que quand on va quelque part, on dit bonjour, on sourit, etc. Et qui se retrouve aussi chez certaines espèces, par exemple de grands sages. Hein. Il faut sourire, etc. C'est-à-dire que d'un côté, on se retrouve quand on observe nos cousins chimpanzés ou bonobo par exemple, très très proches d'eux. Et puis d'un autre côté, on se trouve très différent aussi. Et vous parliez tout à l'heure des animaux dénaturés. Je dirais que quelque part, on se retrouve aujourd'hui avec tous ces questionnements un petit peu dans cette même énigme. Oui, et ça, c'est effectivement le livre de Vercors dont nous parlerons mercredi dans notre série sur la préhistoire. Et tout de même, vous imaginez le bouleversement dont il s'agit pour des gens qui, comme moi, nous sommes intéressés à ces périodes que de façon très épisodique, en lisant un livre, en voyant un film ou en vous lisant, mais en se disant, mais tout compte fait, ça ne correspond en rien à ce qu'on m'a raconté il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. C'est un énorme bouleversement, Stéphanie Thibault. Oui, et d'ailleurs, je vais reprendre la phrase d'Audrey Azoulay, qui est donc la directrice générale de l'UNESCO, qui nous a fait l'amitié de préfacer ce livre, qui dit « Considérer les origines de l'humanité suscite toujours un vertige ». Et nous sommes effectivement dans un grand vertige aujourd'hui. Un extrait de la musique pour la tempête de Shakespeare, composée par Jean Sibelius. L'extrait s'intitule Le Chêne, sous une direction de Neville Marriner, l'Academy of St. Martin's in the Fields. Nous sommes avec vous, Stéphanie Thiébaud. Vous avez co-organisé un grand colloque sur la question de la modernité dans la préhistoire. C'était vendredi dernier et samedi dernier à Paris. Et vous êtes co-auteur avec Nicolas Tessandier. Vous avez co-dirigé un livre avec plusieurs mains, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs avec vous, de Préhistoire, la conquête des territoires, paru aux éditions du CNRS et du Cherche Midi. Vous avez mis un petit tiret entre Pré et Histoire, et nous savons ici, pour avoir déjà interrogé certains des préhistoriens ou préhistoriennes qui s'interrogent sur cette question, qu'il y a un débat chez les préhistoriens et chez les préhistoriennes pour savoir si vous êtes des historiens ou des historiennes. Si tout compte fait, cette question de préhistoire avait encore sa validité. Vous savez que c'est un débat qui est porté entre autres par Anne Loerf, qui ne cesse de dire, elle qui est auteure de Préhistoire d'Europe, qu'elle est une historienne comme les autres et que cette catégorisation remonte au 19e siècle et qu'au bout du compte, on pourrait dire il y a des histoires ou une histoire des peuples sans écriture, puisque c'était comme ça qu'on qualifiait la préhistoire, qui est la même, avec les mêmes techniques, avec les mêmes approches que les périodes préhistoriques. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous positionnez comment dans ce débat, qui n'est pas une querelle, entre préhistoriens et préhistoriennes, Stéphanie Thiébaud? Là, je vais pas trop me mouiller, mais je pense qu'il y a quand même une différence dans les méthodes, hein, c'est qu'effectivement, nous sommes des historiens, nous n'avons pas d'écrit, c'est des sociétés sans écriture. Donc nous. Mais il y a quand même beaucoup de périodes de l'histoire dites historiques dans lesquelles nous n'avons pas non plus d'écrit. Oui, mais pour moi, c'est là, on se situe dans la même veine. Ah, d'accord. Je veux dire que ce soit, je dirais que l'histoire rurale du Moyen Âge, par exemple, où les écrits sont généralement les écrits des seigneurs ou des clercs. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand on fouille Montaillou ou qu'on fouille un site paléolithique comme Étiole ou Pincevent en région parisienne, les techniques sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est le sédiment qui nous donne l'écriture finalement, qui nous narre ce qui s'est passé. Après, les méthodes sont effectivement les mêmes. Donc là-dessus, il n'y a pas de, on est totalement en phase. Hein. Ce sont des préhistoires, mais parce que c'est pour dire que on va pas travailler sur le château de Versailles ou d'autres. Mais voilà. Et donc cette question de cette histoire, donc des périodes les plus anciennes, rejoint la cohorte des historiens. Mais parfois, les historiens veulent bien vous laisser dans votre précaré, là je reprends le pré, mais dans votre précaré, donc... Les prés n'étaient pas forcément carrés, c'était une vision très actualiste. Ils veulent bien vous laisser dans votre coin, d'une certaine façon, en disant, ben, tout fait, allez bien, cette division entre préhistoire et histoire, et on va les laisser dans leur coin, et on va travailler tranquille entre nous. Oui, non, mais je pense que... Vous les rejoignez facilement? Oui, enfin moi j'ai pas de... Je pense que aujourd'hui, le bon chercheur a toute une palette, c'est un peu... il faut savoir un petit peu de tout, on est un petit peu comme le gentilhomme du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire qu'il faut se nourrir des connaissances des uns et des autres dans je suis pour une interdisciplinarité militante, donc avec voilà. Une très grande technicité et une liaison qui est quand même, puisque vous n'avez pas d'écriture la plupart du temps, qui est de presque nécessaire et même indispensable pour avancer dans la recherche, avec des disciplines de sciences dures qui vous aident beaucoup justement à la compréhension du milieu dans lequel se trouvaient vos Homo sapiens ou vos hommes de Néandertal. Oui. Alors ça, on a besoin d'une rigueur accrue, je dirais. Et alors, justement, pour revenir un petit peu au colloque, on est toujours partagé entre notre cerveau biologique et notre cerveau culturel. Mmh. Et là-dessus, je dirais que c'est la même chose pour la recherche, c'est-à-dire qu'on est toujours partagé avec des résultats bruts, une donnée d'ADN, une donnée, etc. Et puis après, comment l'interpréter finalement, parce qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça correspond à d'autres choses, qu'il y a des symboles, que les gens se parlaient, etc., etc. Et donc, c'est là où on retrouve cette notion de vertige, c'est-à-dire comment ordonner au mieux avec tous ces résultats pour en faire quelque chose qui soit au plus proche d'une vérité. Et alors, il y a évidemment, vous êtes très en phase, pourrait-on dire, avec les dernières tendances, une des dernières tendances de l'historiographie contemporaine, qui est l'histoire connectée, l'histoire mondiale, l'histoire donc des relations entre sphères culturelles très éloignées, puisque d'une certaine façon, c'est ce que vous faites tous les jours en tant que préhistorienne ou préhistorien, que de vous intéresser à ces migrations de très longue durée, à ces connexions, en tentant de comparer des matériels trouvés sur les fouilles archéologiques de la préhistoire entre eux, pour pouvoir voir justement quelles étaient les relations d'échange ou de commerce. Ça fait partie de la grande, capacité de votre période à se rallier à des périodes et des innovations historiques récentes. Mais alors, je me pose des questions. La question du genre, par exemple, qui est une question qui nous travaille beaucoup depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Je crois que vous avez eu une communication dans votre colloque de vendredi et samedi dernier sur cette question-là. Comment peut-on déterminer ce qui est de l'ordre des rôles sociaux, des rôles culturels tels que le genre le décrit, et l'appliquer à des périodes très anciennes sur lesquelles on a justement peu de choses sur la culture, des rôles sociaux ou des rôles culturels. Alors, pour l'instant, il y a eu quelques travaux, thèses qui ont regardé cette problématique du genre, hein, notamment avec la répartition. Alors, par exemple, pour le néolithique, je pense aux grandes maisons danubiennes de la vallée de l'Aisne, la répartition de ce qui est généralement attribué aux femmes dans la maisonnée, par exemple. On retrouve aussi l'ADN, la paléogénétique, puisque on regarde comment se passent les échanges, et la plupart du temps, et je me dirais même dans la quasi-totalité, ce sont les femmes qui partent. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des situations de patrie-localité, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui vont certainement, dans les échanges, habiter chez leur mari et non pas l'inverse. C'est-à-dire et ça, on arrive à le déterminer par la paléogénétique. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit que les femmes qui sont dans les premiers villages, je parle pour des périodes relativement récentes. C'est-à-dire à quelle période à peu près? Vers il y a 5-6 000 ans, ouais. Ce sont les femmes qui sont venues d'ailleurs. Bon, ça, c'est les premiers résultats. Alors, c'est une réponse un petit peu indirecte hein, qu'on vous fait. Les travaux de Michel Raymond sur la relation biologie-culture dans les paradigmes, c'était sur les paradigmes actuels sur sexe, genre et orientation sexuelle. Michel Raymond a fait une présentation sur les dernières découvertes, en l'occurrence, et études sur notamment l'homosexualité masculine, justement. Parce que pour l'instant, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est les dernières relations et comment ça se passe effectivement aujourd'hui entre la culture et les génétiques. C'est-à-dire que, par exemple, il a démontré que dans les sociétés qui étaient très... où l'homosexualité masculine était très bien acceptée, les homosexuels, par exemple, ne se reproduisaient pas puisqu'ils étaient acceptés. Alors que dans les sociétés, notamment, par exemple, en Occident, où les homosexuels sont plutôt, l'homosexualité n'est pas acceptée ou beaucoup moins bien, ils se reproduisaient puisque il fallait, souvent, ils se mariaient pour jouer un rôle social. Voilà, jouer un rôle social. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça qui commencent, en fait. Donc, c'était aussi tout à fait passionnant et qui venait apporter une autre pierre, je dirais, à l'édifice de toutes ces connaissances dont nous avons parlé, justement, de relations entre la culture et ce que nous sommes intrinsèquement à la biologie. Alors, il faut donc que vous habituiez vos auditeurs, vos lecteurs, ceux qui viennent dans vos colloques, Stéphanie Thiébaud, à ce doute que vous mettez en œuvre, qui est un doute scientifique, pourrait-on dire, sur les certitudes, c'est-à-dire que vous les habituiez à leur dire ce que je vous dis maintenant, c'est l'état des connaissances aujourd'hui, mais tout cela peut être remis en cause, soit par une découverte, soit par une nouvelle analyse qui viendra bouleverser ce que je vous dis, c'est-à-dire les mettre dans un climat d'incertitude par rapport à ces savoirs et ces connaissances du passé, même si certains savoirs sont particulièrement bien structurés et défendables. Mais avec cette idée que ça peut évoluer. Mais je pense que pour dire quelque chose de banal, l'ADN du chercheur, c'est le doute aussi. Et effectivement, le progrès des techniques apporte, et des découvertes, hein, parce que, je veux dire, la grotte Chauvet, par exemple, bien elle sûr. Est très récente, la grotte Cosquer, elle est très récente. On est resté pendant 40 ans sur Lascaux. Avec l'idée qu'effectivement, on n'avait pas de peinture de grotte avant 15 ou 20 000 ans. Et maintenant, on sait que c'est 35 000 et peut-être ce sera 40 000 ou 45 000 si on en trouve une autre. Voilà. C'est l'intérêt, c'est que les découvertes, c'est vraiment pas terminé, qu'on est même à l'aube de nouvelles découvertes. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, ça vous permet d'une certaine façon à la fois d'espérer pour votre avenir de préhistorienne et de préhistorien en se disant tout compte fait qu'il y a toujours des choses à découvrir, mais aussi ça oblige le chercheur à se mettre dans une autre posture qui est peut-être une posture plus proche de celui qui l'écoute et à pratiquer une sorte de doute méthodologique qui le rend plus proche de son auditeur. Et puis surtout de savoir s'ouvrir, hein. Et de ne pas rester avec ses certitudes, c'est ça la définition aussi d'un bon chercheur. Merci beaucoup. Vous nous avez dit que le colloque que vous avez co-organisé donc vendredi et samedi dernier à Paris au Musée de l'Homme a été filmé. On pourra le voir d'ici quelques temps. Oui, bientôt, j'espère. Et on vous le transmettra de toute façon. Exactement. Et pour nos auditeurs, ça sera très intéressant que de lire ces communications de Johannes Kroos, Chris Stringer, Guillaume Porat ou encore Michel Raymond dont vous nous avez parlé, ainsi que François Flau et bien d'autres. Et puis votre livre que vous avez coordonné avec Nicolas Tessandier au CNRS et à Cherche Midi Édition s'intitule Pré-histoire au pluriel, la conquête des territoires. Merci Stéphanie Thiébaud. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous continuerons notre série consacrée à la préhistoire ainsi que mercredi et jeudi avec un documentaire exceptionnel tourné en Afrique du Sud dans la grotte où a été retrouvé Littlefoot, le plus ancien australopithèque d'Afrique à moins 3,6 millions d'années. Et puis disons que l'histoire continuera toute la semaine sur France Culture avec l'émission Matière à penser de Patrick Boucheron entre 22h15 et 23h cette semaine avec un thème qui est d'actualité puisqu'il parlera du peuple. Au nom du peuple ce soir, Maud Chiriot, historienne spécialiste du Brésil.